Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Pamara C'est Fou, édition anglo. Bonjour et bienvenue à cette édition des Pamarès, c'est fou, en anglo. Je m'appelle Mathieu Plante et à chaque semaine, comme ça, on se passe deux heures de top 20 anglophones. Hein, c'est les 20 pièces les plus appréciées des animateurs de C'est fou. La semaine passée, le numéro 1, c'était The Almost avec Hands. On va savoir si ça tient encore la route d'ici la fin de l'émission. Alors, on a aussi quelques nouvelles entrées. C'est par ça qu'on va commencer. Il va y avoir Wood Hands, qu'on entend pas mal à C'est fou déjà, mais qui là fait son entrée dans le Pamarès. Aussi, y avoir Two Hours Traffic avec une nouvelle pièce. Tegan and Sarah aussi. Mais voici pour l'instant la troisième pièce de l'album Break Up de Pete Yorn et Scott Johnson. C'est Clean au 89 FM, c'est fou. There's a place around your heart that you wish for. When you pretend it's never there, what are you living for? See me sometimes, she said. Would you take a straight and narrow? Tegan and Sarah avec Arrow en position numéro 19. C'est la deuxième pièce de leur album Sainthood. Hell a quitté le palmarès depuis, en fait, cette semaine, parce que c'était là encore la semaine dernière. Avant ça, on a entendu Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Clean. C'est la troisième pièce de l'album Break Up. Il y a eu Relator et Shampoo. Shampoo qui a quitté, c'est là la semaine passée aussi. Donc, on renouvelle les pièces des fois, ça arrive. Il nous reste deux nouvelles entrées à entendre du côté anglophone. On va avoir Woodhands tantôt, mais on commence par Two Hours Traffic en 18e. Voici Territory au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Les palmarès, c'est fou. Parce que c'est assez fou. C'est un palmarès. Puis on a mis un article parce que c'est plus beau devant. Entrée. Notre paire de nouvelles entrées, on vient d'entendre la formation Woodhands avec Pockets en 17e, et avant c'était Two Hours Traffic avec Territory. Two Hours Traffic qui fait un retour après la pièce Noisemaker qui nous a quitté très récemment. 13h17 en ce mercredi après-midi, si vous écoutez la rediffusion, c'est l'heure d'un petit moment temporel qui a juste rapport avec l'émission en direct parce que je veux en parler, parce que ça vient d'arriver il y a 3 minutes, le iPad. Allez voir gizmodo.com, les photos sont géniales. Je suis en train de regarder ça puis c'est bien bien le fun. iPad. C'était le nom qu'on voulait savoir, et c'est maintenant. Vous êtes le vendredi, ben vous le savez déjà, vous l'avez peut-être déjà acheté. Je sais pas, aucune idée. Prochain bloc, Priestess et Alice in Chains. Commençons par Government Mule. Voici Broke Down on a Brazos, qui est stable au 89.1 FM. C'est fou! iPad. Je crois qu'on pourrait appeler les iPalms au lieu des palmarès. C'est fou, juste les iPalms. Ah oh, ouais! Nouvelle campagne de pub avec des gens en ombre qui dansent. Hein? Dragonflies. Government Mule et Broke Down on the Brazos, stable en 16e position du côté anglophone ici au Palmarès C'est fou. Émission qui se continue jusqu'à dans environ une heure et quelques. Dépendant de quoi vous nous écoutez, c'est toujours très très pratique comme façon de le dire. On va continuer encore une fois en musique, hein, parce que c'est bon la musique, une fois de temps en temps. Ce que vous en pensez. On va l'écouter Alice in Chains. J'essaie de me sortir de mon pétrin. Alice in Chains avec Your Decision qui descend de la 9e place. Ça commence maintenant. Ici même. Ouais. Ce qu'on appelle discret, fiable, joli et très bien dit. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. numéro 14. sélectionnes les stars, j'imagine, c'est ça que... Oui, oui, absolument. Ça a plusieurs couleurs, c'est comme dans le truc dans le backstore. Puis... Oui, non, non, j'en ai quelques-unes. Mais moi, je vendais des stars dans mon ancienne carrière. OK. Ouais, ben oui. T'es un historien, un historien qu'on appelle. Oui, ben ouais. Un historiste. Oui, voilà. c'est très drôle. Tu viens faire juste des pouettes, dans le fond, c'est un peu... Je viens juste faire des pouettes. En réalité, j'ai pas beaucoup de temps, mais juste vous rappeler que les incorrigibles vont être ici à 4h30. Oui, 16h30, en direct le mercredi, pour ceux qui écoutent la diffusion originale. Pour une chronique humoristique, comme à chaque semaine. Voilà. Est-ce que tu veux nous annoncer un petit peu le sujet de ta chronique aujourd'hui, de votre chronique, parce que t'es pas tout seul là-dedans? Hein? Non, je serai pas tout seul. En fait, je sais pas si je vais être tout seul aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que j'ai fait un coup de téléphone à Jean-Gabriel. Potier, oui, un incorrigible. Et on a David Nollet aussi qui a fait un petit quelque chose. Fait que si, même si je suis tout seul, on va être trois. Trois dans notre esprit. Ouais, trois dans l'esprit. On est à la radio, on peut faire ce qu'on veut. On peut même faire semblant qu'ils sont là. Hey, salut les gars! Comment ça va? Ça fait télépirate comme humour. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dis, petit ballon? Pardon, Patrick, t'entends pas? Enfin. Il est, puis il me fait des ballons avec ses... Oui, tu te fasses un petit chien, justement? Fais-moi un petit chien! Oh, il est cute! Il est cute, le petit chien! N'importe quoi, on se revoit à 4h30. Hey, merci, Pat! Je vais te laisser quand même sur une petite phrase que mon grand-père m'a dit toujours. Moi, faut j'y aller. Puis on a toujours mieux de prendre 5 minutes pour aller aux toilettes que prendre 30 minutes à laver nos pantalons. Donc, à tantôt. Fini par un pet. Oh! Hey! Toujours plus drôle. Papadapop. Patrick Laperrière, salut, merci. Il va être avec nous tantôt à 16h30 mercredi pour les incorrigibles dans Assemblage Requis. Vous êtes toujours à l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. On continue avec la formation. En fait, on continue avec les costauds. C'est un lac de ragoût. Hein? Si j'avais un pet, je pourrais faire poui-poui. Lac de ragoût. En position numéro 13, voici Mean Shaking Mama. Retour à Albert Across de Dojo Workhorse et Band of Skulls au Palmarès, c'est fou! numéro 12. numéro 11. So come on in, you heartbreaker, you. I've never told you never yet. Your kiss is cold, but in this city you take whatever love you can give. Oh, now come on in, you love faker, you. We've always played such nice pretend. Nobody cried and nobody could hurt, except maybe me and possibly her. So pass one over. I grow sober. This it isn't much. Don't we wish it was, we wish it was. Hold me closer, I'll get over it. It isn't real, but it's got a similar feel. Where I'm from, we all know. Everybody hurts. Everybody's wounds gonna get the salt. But it isn't anybody's fault. Is it anybody's fault? No, it isn't anybody's fault. Dojo Workhorse, c'est The Heartbreaker stable en 11e position. C'est avec l'album Weapons Grade Romantic et c'est génial. Avant ça, c'était Albert Cross et Rise of the Shadows qui est stable en 12e. Mais on a débuté le bloc avec Lake of Stew et Mean Shaking Mama. C'est stable en 13e. Donc, les positions 14 à 11 sont tout à fait stables. Mais le reste change beaucoup. Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui est numéro 1. Est-ce que c'est toujours The Almost avec Hands? C'est une excellente question. Mais je peux pas y répondre tout de suite, malheureusement. Dans le prochain bloc, on va entendre... Je me fais même pas rire tellement que c'était même... C'était pas une blague, finalement, c'était juste une phrase. Mais bon. Prochain bloc, The Almost. Ah, regardons ça. Ça, c'est aussi très drôle. Je viens juste de dire que The Almost était numéro 1 la semaine passée, donc déduisez-en ce que vous voulez. C'est le message à passer à tout le monde. Donc, The Almost est The Job. Mais avant ça, voici Band of Skulls et I Know What I Am qui descend de la troisième place. Oh, 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. But it's all Autour de Job, The Almost, We Are Wolves et Devils at Rod dans les Palmarès C'est Fou édition anglo. Numéro 9. Big mistake. The Almost Their Hands, c'est l'ancien numéro 1, mais c'est maintenant le numéro 8 du palmarès anglophone. C'était précédé de The Job avec Soon qui descend de la deuxième place. Et en dixième, c'est Band of Skulls avec I Know What I Am. Ça descend de la troisième. Donc, si on calcule comme faut les choses, attention, calculatrice. Les positions 1, 2 et 3 sont maintenant 8, 9 et 10e. Donc, en bloc, c'est comme un morceau de Tetris quand que tu réussis à mettre la petite barre et que les 4 lignes partent en même temps. Sauf qu'ici, il y en a juste 3. Excellente analogie, je sais, vous êtes surpris. Dans le prochain bloc, il y aura Colorado et Devil's Hot Rod, mais avant ça, on commence par la 7e position. Hein, elle monte d'une place, c'est Walking Commotion par We Are Wolves au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. 6. Yeah. Quel saut pour cette formation Colorado. Ça monte de 15 places. La pièce s'appelle Juliet. C'était nouveau la semaine dernière. Ça met leur album Record in a Bag. Avant ça, c'était une pièce qui monte d'une place. Wild Wild Mummy par Devil's Hot Rod. Et on a débuté le bloc avec We Are Wolves qui monte aussi d'une place avec Walking Commotion. C'est le troisième extrait de leur album Invisible Violence. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est fou. Il nous reste encore les positions numéro 4 à 1 à entendre. On va bientôt savoir qui est notre nouveau numéro 1 parce que la semaine passée, je le rappelle, c'était The Almost avec Andy. Ils sont rendus en 8e, donc on a un renouveau au sommet. Tony at the top. Le prochain bloc, il y a You Say Party, We Say Die et Hot Little Rocket, mais on débute avec une pièce qui monte de la 19e position. Voici This Too Shall Pass par OK Go. OK, on y va. OK, 89.5. OK, go. Well, the tough part is where Glory par You Say Party, We Say Die, c'est la deuxième position, ça monte de 4 places. C'était précédé de Hot Little Rocket avec Volcano qui monte de 2 et de OK Go avec This Too Shall Pass qui monte directement de la 19e place. Et ça vient de leur album Of the Blue Color of the Sky. C'est presque à la fin de l'émission, on est rendu à notre grand numéro 1, donc vous le savez, c'est le moment où je fais des jeux de mots extraordinaires sur notre numéro 1, parce que c'est écœurant, tu sais, on s'entend, c'est la seule raison d'écouter cette émission-là. Hein? Bon, tu sais, les mes jeux de mots, des fois sont compliqués, des fois ils sont pas compréhensibles ben, des fois il faut que je les explique après avoir fait jouer la pièce, mais tu sais, en même temps, faut pas être un génie non plus pour comprendre, faut pas être un génie pour comprendre mes jeux de mots, un génie, hein, un génie. Et en première position. Je pense que c'est un de mes pires à date. Vraiment. Même quand je vais l'expliquer, vous allez dire, je comprends toujours pas. Mais à chacun son plaisir. Chacun. Je vais l'expliquer ça aussi tantôt. Vous allez voir. Cette semaine, ici, assez fou. Avant de dire le numéro 1, faisons un petit récapitulatif du top 5. En 5e, c'est Colorado avec Juliette. En 4e, OK Go avec This Too Shall Pass. En 3e, Hot Little Rocket avec Volcano. En 2e, You Say Party, We Say Die avec Glory. Et on vient d'entendre le numéro 1, c'est la pièce She's a Genius de la formation Jet. Ça a pris 5 semaines avant de se hisser au sommet et ça monte de la 4e par rapport à la semaine dernière. L'album s'appelle Chaka Rock, donc vous aurez compris mes jeux de mots. She's a Genius, ou wow, j'ai un jeu de mots avec génie, dur à faire. Et Chaka Rock, ça, c'est quand même pas super, tu sais. À chacun son plaisir dans la vie. Ah, je me déprime quand je fais des jeux de mots comme ça. Mais que voulez-vous, c'est donc le fun pour moi. Voilà, donc c'est la fin de l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. Les auditeurs du vendredi vont sauter directement dans la version francophone, alors que nous, le mercredi, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, on va continuer avec une dernière petite demi-heure composée de top 30 des albums, de top 10 loud et du top 10 électronique. On va surtout se concentrer sur le top 10 électronique comme on le fait souvent le mercredi. Alors, restez avec nous, c'est les Palmarès C'est Fou! comme un balai. Ok, oui, c'est la deuxième partie des palmarès. C'est fou ce qu'on appelle l'extra sauce brune hein, dans le domaine. C'est comme toutes les autres, les gens qui inventent des façons de dire les choses, de les nommer. C'est comme Apple. Apple, c'est iPad. Comme une serviette sanitaire, finalement. C'est vraiment un beau nom. Nous, ici, au palmarès, c'est fou, c'est l'extra sauce brune. Ça peut aussi porter à confusion ce que ça veut dire. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le top 10 électronique. On va commencer dès à présent, dès maintenant, là, dans les prochaines secondes qui s'enfilent avec l'horloge ici qui fait tic-tac. Voici la position numéro 3, c'est Jugger avec Bliss. C'est tout de suite. Ah, c'est fou, 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Et je dois vous dire que c'est fou n'approuve pas les commentaires que je viens de mettre sur différents... Même moi, je les approuve pas, finalement. On dit pas ça à la radio. They say he's coming back again. He's coming for the rest of us. numéro 2. Ce qu'on entend en ce moment, c'est la position numéro 2 du palmarès électronique. C'est l'album Eggs de Ono Ono. C'est stable. Avant ça, on a entendu The Great Pressure avec la formation Jugger. Ça, ça monte d'une place. Et en passant, Jugger est un duo américain. Ono Ono est une formation danoise qu'on écoute en ce moment. Et dans quelques secondes, juste après, je ne sais pas si elle revient à un moment donné, cette pièce-là, si elle reprend son envol tranquillement, pas vite. Mais après ça, on entendra le numéro 1 qui est Fever Ray. Toujours, hein, stable en première position. 8e semaine de présence. L'album s'appelle toujours Fever Ray Deluxe Edition. Aujourd'hui, on va entendre la pièce Here Before, qui est une reprise de l'artiste folk britannique Madame Vashti Bunyan. Mais pour l'instant, la suite de Ono One et Beelitz. Et en première position. Sunshine, she could see it all. C'est la fin de la première position du palmarès électronique. On vient entendre Fever Ray avec l'album Fever Ray Deluxe Edition. C'est stable en première. Et la pièce qu'on a entendue est Here Before, une reprise de l'artiste folk britannique, Madame Vashti Bunyan. Voilà donc pour ça. C'est la fin des palmarès, c'est fou en général aussi. Hein, on se quitte pour quelques minutes parce qu'Assemblage Rocky s'en vient juste après la pause qu'il va y avoir. On va se quitter sur une position du top 30 des CD. Oui, très beau top 30 des CD. Woodhands est en position numéro 17. Ça me tente d'entendre une autre pièce 2. Leur album s'appelle Remorse Capade. On va écouter une pièce qui va très bien avec... avec juste le mot assemblage parce que les lettres se ressemblent. La pièce s'appelle Dissembler. Fait que c'est juste le seul lien finalement à faire avec ça. C'est peut-être pas bon, mais pas mal sûr que c'est bon par exemple. C'est du Woodhands. Et Assemblage Rocky commencera dans quelques minutes, alors restez avec nous. Ça n'a pas de sens, hein? Je pense que j'avais lu Disassembler, mais c'est Dissembler. Le lien est plus là, mais les lettres sont là. Tu sais, mettons que t'étais à déchiffrer des lettres, là. Tu pourrais... Always you who was going to cease and desist me.